Je suis en ville sur un grand axe à sens unique. La circulation est dense. Le feu vient de passer au jaune. Le jaune annonce le passage au rouge. Une voiture me suit de près, mais je suis encore assez loin du feu pour m'arrêter sans avoir à freiner violemment. Réponse B.